J'ai une facture sous les yeux. Le numéro client se trouve où ? Sur la facture. C'est situé en haut à gauche dans la rubrique « Vos contacts par téléphone ». En dessous, il y a votre numéro client. Ah oui, je vois. Alors c'est le 5 476 481 865. Je vous remercie. Ne quittez pas. Un instant.